suis pas tout. Comme la roue s'arrête, je suis pas tout. La pâte bourrique, ça fait causement longtemps. On met la zotie en four. Cassé, brisé, fait pas trapatoué, ça les plie en nid. Ôté sa feuille sans ça, la rosée prend pas de si. Midi sa feuille sans ça, la rosée prend pas de si. Ôté sa feuille sans ça, la rosée prend pas de si. Midi sa feuille sans ça, la rosée prend pas de si. Connais histoire, tu dis, quand t'engages la pété, cyclone l'a passé. Son boucan l'a levé, Astel il est dans son main, Midiaoul il n'a plus rien. Mamaï comme grand monde fait façon, Bordali d'un coin. Ôté sa feuille sans ça, la rosée prend pas de si. Dis sa feuille sans ça, la rosée prend pas de si. Ôté sa feuille sans ça, la rosée prend pas de si. Dis sa feuille sans ça, la rosée prend pas de si. Pas trop ton tête, hein. Tu connais sa feuille sans ça. La rosée prend pas de si. Allez, vive à petit guise. Ôté sa feuille sans ça. La rosée prend pas de si. Mais dis sa feuille sans ça. La rosée prend pas de si. Ôté sa feuille sans ça. La rosée prend pas de si. Mais dis sa feuille sans ça. La rosée prend pas de si. Obligé dans la gare, cap cap Sicily, avec un ventre vide, sans même un petit gazon de riz. Dissonne la case Richard, rode un bout de pain sec, bonne la bien jolie, mais comme de pain il est sec. Allez, fila ou là, chape, madame la chantilly. Côté sa feuille sans ça, la rosée prend pas de si. Midi sa feuille sans ça, la rosée prend pas de si.